meditate profond among the grounds of fake, prepared to illuminate on some majesty, malice, contemplate and go unknown. Blended is here, the prepper is a monker, a pen and theme, some dash, have it laid, the moon and you, the back of the enemy. Soudan le vent, vient d'un soufflé, avec tant de violence, il me semble que la montagne dans laquelle ma demeure est creusée, se coulerait sous le rafale. Cependant, comme cette identité fiable qui m'a accablé de bien des peines, reste sans succès, je repris courage et persévère dans ma méditation. Tout à coup, je me sens touché au dos. J'enfouis si effrayé que je n'osais me retourner, quoique en même temps que je ressentais une joie comme une faiblesse humaine ne peut connaître que dans de semblables circonstances. Comment continuer à me tirer par mes vêtements? À plusieurs reprises, je fins cependant par me retourner et je vis une femme admirablement belle, vêtue d'un robe bleu parsemé délicatement d'étoiles d'or dans le ciel. Dans sa main droite, elle tenait un trompette en or sur lequel je louais aisément un nom que l'on me défendait de révéler par la suite. Dans sa main gauche, elle serrait un gros paquet de lettres, écrit dans toutes les langues qu'elle avait distribuées dans tous les pays comme je l'ai su plus tard. Elle avait des ailes grandes et belles couvertes d'yeux, toute leur étendue, avec ses ailes qui s'élançaient et volaient plus vite que l'aigle. Peut-être aurais-je pu faire autre remarque encore, mais comme il ne restait que peu de temps près de moi, tandis que j'étais encore plein de terreur et de ravissement, j'en vis pas davantage. Car dès que je me retournais, elle fêtait son paquet de lettres et prit une et la disposa sur la table avec une profonde révérence. Puis elle me quitta sans m'avoir dit une parole. Mais en pleurant son essai, elle sonna de sa trompette avec une telle force que la montagne entière en résonna. Et j'entendais plus ma propre voix pendant plus d'un quart d'heure. Ne sachant quelle partie prendre dans cette aventure inattendue, je tombai à genoux et je prie mon Créateur qui me sauvegarde de tout ce qui pouvait être contraire à mon salut éternel. Tout tremblant de crainte, je pris dans la lettre et je le trouvais plus présent que si elle avait été tout au long. En l'examinant avec soin, j'ai découvert le sceau minuscule qui le fermait et qui portait une croix délicate avec une inscription in hoc signo plus vingt-six. Dès que j'ai aperçu ce signe, j'aurais plus confiance, car ce sceau n'aurait pas pu au diable qui s'est n'en faisait pas usage. J'ai cacheté donc vivement la lettre et je loue les vers suivants écrits en lettres sur un champ bleu. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, ce sont les noces du roi. Si tu es né pour y prendre part, élu par Dieu, par la joie, va vers la montagne qui pour toi tombe. Vois les événements, prends garde à toi, examine-toi toi-même. Si tu n'es pas purifié assidûment, les noces te seront dommage. Malheur à qui s'attarde là-bas. Que celui qui est au léger s'abstienne, au-dessous comme signature, sponsors et sponsors. À la lecture de cette lettre, je me faillis évanouir, mais je vis se dresse sur un sourd froid baigner mon corps. Je comprenais bien qu'il était question de mariage qui m'avait annoncé dans une vision formelle 7 ans auparavant. J'avais attendu et souhaité ardemment pendant longtemps et j'en avais trouvé le terme en calculant soigneusement les aspects de mes années. Mais jamais je n'avais supposé qu'il y aurait lieu dans des conditions si graves et si dangereuses. En effet, je m'étais imaginé que je n'avais que comme présente mariage pour être accueilli en convie bienvenue. Et voici que tout dépendait de l'élection divine. Je n'étais nullement certain d'être parmi les élus. Bien plus, même en m'examinant, je ne trouvais en moi qu'intelligence et ignorance des mystères. Ignorance telle que je n'étais même pas capable de comprendre le sol qui foulait mes pieds et les objets de mes occupations journalières. À plus forte raison, je ne devrais pas être désigné à approfondir à connaître les secrets de la nature. À mon avis, la nature aurait pu trouver partout un disciple plus méritant. À qui pour me confier son trésor si précieux quoique temporel et périssable. De même, je m'aperçus que mon corps, mes mœurs extérieures et l'amour fraternel pour mon prochain n'étaient pas d'une pureté bien éclatante. Ainsi l'orgueil de la chair versait encore face à tendance vers la considération et le monde mondain et le monde égal pour mon prochain. J'étais encore constamment tourmenté par le penti d'agir pour mon profit, de me bâtir des palais, de me faire un nom immortel dans le monde et d'autres choses semblables. Ce furent surtout les paroles obscures concernant les trois temples qui me donneraient une grande inquiétude. Mes méditations ne parviennent pas à les éclairer et peut-être ne les aurais-je jamais compris si le clé ne m'avait donné une manière merveilleuse. Balancé ainsi entre le crâne et l'espérance, je pesais pour moi et le contre, mais je n'avais pas à constater ma faiblesse et mon impuissance. Me sentant incapable de prendre une décision, quelconque rempli d'effroi et par stipulation, je cherchais encore une solution par ma voie habituelle et plus simple. Je m'abandonnais au sommet après une prière sévère et ardente dans l'espoir que mon ange voudrait m'apporter en cette mission divine pour mettre un terme à mes doutes, ainsi que cela m'avait été accordé quelquefois auparavant. Il faut ainsi encore à la louange de Dieu pour mon bien, mes exhortations et le mandement cordial de mon prochain. Car à peine m'étais-je endormi, qu'il me semble j'étais couché dans une tour sombre avec une multitude d'autres hommes, et là attaché de lourdes chaînes de gloulons comme des abeilles sans lumière, même sans la plus faible blueur, et cela aggravait encore notre affliction. Aucun de nous ne pouvait voir, quoique ce fût cependant, j'entendais mes compagnons s'élever constamment les uns contre les autres, parce que la chaîne de l'homme était tendre, soit plus léger que celle de l'autre. Nous avons considéré qu'il n'avait pas lieu de se mépriser beaucoup mutuellement, car nous étions tous pauvres sortes. Après avoir subi ces peines pendant assez longtemps, nous traitons de cette prise commande d'aveugle et de prisonnier. Nous entendons enfin sonner de nombreuses trompettes et battre le tambour avec une telle art que nous fûmes apaisés et réjouis de notre foi. Pendant nous écoutions le toit de leur tour pour lever et pour lumière pour pénétrer jusqu'à nous. C'est alors que l'on ne peut voir tomber les uns sur les autres, que tout ce monde remue et en désordre, de sorte que celui qui nous dominait tantôt était maintenant sous nos pieds. Quant à moi, je ne restais pas inactif non plus, mais je me glissais par mes compagnons et malgré mes liens pesants, je grimpais sur une pierre dont j'avais réussi à m'emparer. Mais là aussitôt, je vous attaquais par les autres et je les repoussais en me défendant de mon mieux des mains et des pieds. Nous étions convaincus que nous serions livrés, mais il faut autrement. Le Seigneur qui nous regardait d'en haut par l'orifice de la torse voulait régler quelque peu par cette agitation et de ce gémissement. Un vieillard tout fêtes, nous célébrons aujourd'hui. Pour un plus grand stress, plus souvent, elle va faire mon œuvre. En disant la corde, celui qui se spangle sur le premier plan. À peine peut-on achever ce discours que la vieille dame ordonne à ses serviteurs de lancer la corde dans la tour. À cette reprise, et de ramener avec ceux qui l'auront pour le saisir. Oh Dieu, que je ne puisse décrire avec plus de force l'angoisse qui nous étreignait alors que nous cherchions à nous emporter de cette corde et par cela même nous empêchions mutuellement. 7 minutes écouleront plus une clochette, tente à ce signal le serviteur, ramèneront la corde pour la première fois avec 4 ténors. Alors, je vis que ne pouvant se saisir de la corde en